scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1964, deuxième émission. En 1964, on écoute les infos. Un homme politique meurt, le monokini fait scandale, pas seulement pour des raisons de décence. Les scouts, eux, abandonnent le foulard et le béret. Les journalistes sont pleins de fantaisie. En tout cas, en ce 13 juillet, mais savent retrouver un ton sérieux lorsque nécessaire. Au micro, Roland Mel. Journée de détente, journée de repos, une journée où on aimerait ne parler que de plage, de verdure, de soleil, de bikini aussi, double ou même simple. À propos de Mono Bikini, je vous signale qu'il se prépare un joli petit scandale, mais nous vous réservons cela pour tout à l'heure. Ou bien pour ceux qui restent dans les villes, on voudrait ne parler que de lampions, de balles populaires au carrefour ou sur les plages, d'accordéons sous les platanes ou les marronniers, ou de défilés militaires comme celui qui descendra demain les Champs-Élysées de 9h à 10h30 et dont vous pourrez entendre la retransmission en direct. Mais dans le reste du monde, c'est un jour comme les autres. On continue à se tuer au Vietnam. À Los Angeles, on s'invective à la convention qui doit désigner le candidat républicain aux élections présidentielles de novembre. Abba Goldwater, vive Goldwater. Les Allemands discutent de l'Europe, les Russes du socialisme international, au moment même où les communistes français pleurent la mort de Maurice Thorez, président de leur parti. Notre reporter Alain Barraud s'est rendu ce matin à la mairie d'Ivry. Ici, à Ivry, la foule est venue rendre un dernier hommage à Maurice Thorez. Au premier étage de la mairie, une chapelle ardente est installée. Autour du catafalque, les fleurs s'amoncellent. Des femmes déposent leur offrande, de simples bouquets. Une grande photo représentant le militant est dressée au pied du cercueil. Ici, c'est le fief de Maurice Thorez et tous pleurent. Sur le catafalque, une vitre permet de jeter un dernier regard sur le guide du parti. Le comité central du Parti communiste indique que les obsèques de Maurice Thorez auront lieu jeudi à 15h. La dépouille restera aujourd'hui et demain à Ivry, puis sera exposée mercredi et jeudi au siège du comité central. Partout dans la ville, des affiches. Maurice Thorez est mort, Ivry est en deuil. Et maintenant, nous allons ouvrir notre chronique que j'appellerai vestimentaire. André Brière, nous allons parler de costumes. Et tout d'abord, costume de matador. Antonio Ordonez, qu'Ernest Hemingway appelait le plus grand matador du monde, fait sa rentrée dans l'arène en septembre. Oui, en septembre prochain, dans la plus ancienne des arènes espagnoles, à Ronda, à l'occasion d'une corrida goyesca, c'est-à-dire une corrida où les costumes sont inspirés de l'époque de Goya. C'est Ordonez lui-même qui a confirmé la nouvelle hier, à Pamplune, où se déroule actuellement la fête annuelle des taureaux, une fête que décrit Hemingway justement dans son livre « Le soleil se lève aussi ». Le matin, à 6 heures, on lâche des taureaux dans les rues de la ville et les taureaux courent jusqu'aux arènes, entourés par les habitants. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le prince Charles-Luc de Bourbon-Parme qui a décidé de courir devant les taureaux. Mais c'est un jeu assez dangereux, je vous le rappelle, il y a 3 ans, par exemple, 3 personnes ont été tuées et plusieurs grièvement blessées. Autre costume cette fois-ci, celui des scouts. Vous les voyez chaque année prendre le train pour leur camp d'été, vous les voyez s'affairer dans les gares, le sac au dos et le foulard au vent. Mais cette année, il y a quelque chose de changé dans leur tenue. Les scouts n'ont plus de foulard ni de béret. Mais écoutez plutôt ce qu'ils ont dit à Henri Poumerol avant de partir au Jamboree de Serre-Ponçon, le premier Jamboree national. Ils sont 10-12 garçons réunis autour de moi. Patrick, tu es leur chef d'équipe, je crois. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'extraordinaire? C'est un camp tout à fait nouveau, parce que nous allons être 1200, ce qui est assez exceptionnel pour un camp scout. D'habitude, nous sommes en troupe. Et là, nous allons rencontrer d'autres scouts qui déjà commencent le système pionnier. On fera de la forge, du bateau, du cheval. Ça, c'est partie de la découverte, ça, plutôt. Oui. C'est pas tellement le côté technique, c'est une découverte, d'apprendre de nouvelles techniques qui peuvent intéresser. Et des techniques photographie également, alors, et même reportage radio. Non, mais vous ne préfériez pas plutôt les jeux? Non, je crois pas. Les jeux périmés maintenant. Votre uniforme a changé. Le matin, nous avons la chemise ronde. Je voulais de la chemise beige. Le pantalon long, en velours côtelé, marron. On a une croix de poitrine, toujours. La signe scout de France. L'épaule gauche. Et le foulard a disparu, ainsi que le béret. Les scouts seront donc des milliers à vivre une passionnante aventure à Serre-Ponçon. Il s'agit là d'un rassemblement inhabituel placé sous le signe de la technique et du service. La RTF est présente là-bas. Elle a aidé les scouts à installer sur place un petit émetteur qui permettra des liaisons avec les troupes du camp. Nos techniciens, nos reporters, même les aideront à réaliser de vrais programmes, de vrais petits reportages. Vous pourrez d'ailleurs en entendre de larges extraits. Et le 28 juillet sur France Inter, de 11h à midi, rendez-vous pour un grand jeu ouvert à tous les scouts de France et animé par Victor Azaria. Troisième costume, cette fois-ci extrêmement réduit. Depuis l'apparition du monokini, on peut dire que c'est la guerre. Oui, on peut dire que c'est la guerre. La guerre entre les policiers et ceux qui portent le monokini, tout d'abord, ou plutôt celles qu'ils portent, parce que jusqu'à maintenant, ce sont des femmes. Il n'est pas de jour qu'une jeune fille ne soit arrêtée pour porter les deux pièces moins une. Et le conflit s'étend, oui, il gagne non seulement l'Europe, mais le monde tout entier. C'est donc la guerre entre les policiers et les porteuses de monokini. Mais c'est aussi la guerre entre les inventeurs, ou plutôt ceux qui prétendent avoir inventé le monokini. Oui, il y en a beaucoup qui prétendent l'avoir inventé. Les Américains tout d'abord, eh bien, j'ai le regret de leur dire que le monokini, en tout cas, n'est pas américain. L'inventeur est un couturier français, d'origine grecque, Burns. Et Burns est bien connu, il est furieux. Il prétend qu'on lui a volé son idée, il veut intenter un procès au fabricant de maillots. Frédéric Christian l'a rencontré dans la rue. Comment on vous a volé votre idée ? Je vais vous expliquer, ce n'est pas difficile. En 1963, le mois de novembre, j'ai vendu aux Américaines, à une compagnie qui s'appelle Zaven Company à Hollywood, des robes, 7 modèles, donc ils m'ont payé $200 par modèle. Ils étaient couverts la poitrine avec du filet et l'estomac également, jusqu'à l'ombris. Mais c'était un artiste également, l'acheteur, l'Américaine. Il a, pour lancer des starlettes, en Amérique, à Hollywood, il a enlevé le filet sur la poitrine. Les fabricants de maillots qui sont à l'affût de la mode, ils ont profité de cette occasion et ils sont lancés à fabriquer des maillots. Mais en réalité, c'était une mode qui partait de Paris. Donc, si les Français ici, ils essayent à ridiculiser cette mode-là, j'ai pris à maître Lippmann attaquer. Vous êtes contre le monokini, oui, le maillot. Contre, vous oui. êtes pour les robes. Pour les robes, mais d'une manière non choquante, parce que c'est-à-dire les seins recouverts d'un filet. De filet ou d'autres choses aussi également. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre un filet ? J'étais l'année dernière en Grèce pour un tour de champ. Et puis j'ai fait la pêche, la nuit la pêche aux sardines, et puis ça me donnait l'idée, en voyant des filets, de couvrir les femmes avec du filet. Eh bien voilà qui est fait, voilà rendu à César ce qui est à César. Nous savons tout sur les origines de ce monokini qui révolutionne le monde et sème la panique sur les plages. Bientôt un procès peut-être, oui peut-être le procès du monokini. Le lendemain, au Parc des Princes, dernier acte d'un immense suspense. Les reportages sportifs sont parfois ennuyeux, enfin pour qui ne s'intéresse pas au sport, mais celui qui vient est légendaire, assez poignant, parce que le perdant est gentil et tient son rôle avec dignité et en direct. Arrivée du Tour de France le 14 juillet 1964. Allô, eh bien, ici le Parc des Princes, vous entendez l'explosion de ce parc qui vient de saluer l'entrée de Raymond Poulidor sur la piste. J'ai regardé mon chronomètre, il y a exactement 15 secondes que Raymond Poulidor a franchi le tunnel, il se trouve maintenant sur la ligne opposée, il a débordé bas à Montès, il va arriver, il prend le dernier virage là-bas, et maintenant il n'est plus qu'à 250 mètres de l'arrivée, bas à Montès essaie de s'accrocher derrière, Raymond Poulidor va arriver maintenant, il est sur la dernière ligne droite, et dans quelques instants sera le deuxième top de l'arrivée, attention le voilà, top. Raymond Poulidor vient de franchir la ligne tandis que Raymond Bamontès était dans sa roue. Je regarde maintenant mon chronomètre car ce sera le dernier top de cette journée lorsque Anquetil avec son beau maillot d'or va sortir du tunnel. Il va y avoir dans quelques instants... Allô, oui, je vous en prie. Je vais vous narrer la fin de course de Jacques Anquetil. Mais je vous en prie. Il y a maintenant 55 secondes que vous nous avez donné le top. L'allure n'a pas changé. Nous allons maintenant arriver sur l'avenue qui débouche directement sur le Parc des Princes. C'est absolument formidable. Il y a un public record, vous entendez les applaudissements qui fusent, le public est averti que maintenant, Jacques va sans doute reconstruire sa victoire, nous sommes à 1 minute 15, il n'a toujours pas pris le virage de l'arène, nous traversons maintenant, nous sommes juste derrière Jacques, toujours encouragé, pas un mouvement qui marque que Jacques Anquetil se désunisse, il prend le dernier virage, je crois, on nous avertit, top pour la flamme pour Jacques Anquetil, nous en sommes à 1 minute 30, nous allons arriver au Parc des Princes, et nous allons vous laisser là, sur cette impression, pas encore. On ne sait jamais dans les derniers mètres. Vraiment, il serait idiot, stupide de perdre. Allô, Paul Laporte. Il y a exactement, à mon chronomètre, 2 minutes 35 secondes que Poulidor a franchi le tunnel. Par conséquent, Anquetil n'est pas encore là, mais je pense qu'il ne va certainement pas. Une minute et demie, pardon. Il est là, vous pensez ? Le voilà, vous allez l'avoir dans quelques instants. Nous le laissons, nous arrivons à la dérivation. Alors, à vous pour Jacques Anquetil. Mais actuellement, tout le stade attend l'arrivée sous le tunnel de Jacques Anquetil, mais il s'est repris certainement dans les derniers mètres, car le voici surgissant maintenant. Je vous assure que ce n'est pas gagné. Ce se jouera évidemment au millimètre ou au centimètre, comme je l'avais dit. Effectivement, Jacques Anquetil effectue maintenant le virage. Il prend la ligne opposée. Il passe devant la tribune Tour de France. Le public l'acclame, le public l'encourage. Jacques Anquetil est en train de prendre maintenant le dernier virage. Il le prend d'ailleurs très bas, très bas. Je vous assure qu'il donne le meilleur de son effort. Le public ovationne. Voici la ligne droite. La fin du tour. Les 4465 km vont être terminés dans quelques instants. Attention, et voilà. Et top! Il vient de franchir la ligne. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à attendre la décision, non pas des êtres humains, mais des mécaniques. Puisque, aussi bien vous le savez, ce sont les horloges mécaniques qui règlent au fond cette décision du tour. Et tout le monde attend dans l'anxiété, évidemment. Il y a eu beaucoup d'ovations, maintenant le stade va s'apaiser. C'est dans ce verdict fait de minutes et de secondes. Jean-Bruno, allô, oui. 37 minutes et 10 secondes pour Jacques Anquetil. 37 minutes et 10 secondes pour Jacques Anquetil, à vous. Eh bien, Poulidor a été crédité de 37 minutes 31 secondes et Jacques Anquetil 37 minutes 10 secondes. Par conséquent, il lui prend 21 secondes. À vous, Daniel Potra. Oui, ben c'est ce qu'on avait dit, vous voyez. Jacques Anquetil, finalement, est quand même le plus fort dans ses épreuves contre la montre. Il gagne avec 21 secondes d'avance aujourd'hui. Et Rudy Altig, qui avait fait un bon temps, est lui aussi dominé. Je vais maintenant essayer de m'approcher de Raymond Poulidor ou de Jacques Anquetil. Je ne sais pas qui est là. Oui, il y a Raymond Poulidor qui est par ici. Pardon, excuse-moi. Pardon. C'est Raymond Poulidor qui est ici. Raymond Poulidor, est en train de voir alors, Raymond. Je ne sais pas encore mon temps. 37-31. C'est-à-dire, je bats Jacques Anquetil. Non ? Non, Raymond, vous pouvez me répéter les temps, Jean-Bruno ? Eh bien, voici les temps qui sont sur le tableau. Premier, Jacques Anquetil, les 27 km 500 en 37 minutes 10 secondes. Deuxième, Rudy Altig à 16 secondes. Allô, Jean-Bruno ? Allô, oui. Allô, Jean-Bruno, bon, je vous reprends l'antenne parce que Raymond Poulidor ne sait pas encore qu'il a perdu le Tour de France. Raymond Poulidor, c'est Jacques qui gagne. Ben oui, on me disait que j'avais gagné. C'était formidable ce que vous avez fait tous les deux, formidable. Alors Raymond, comment vous réagissez ? Ben, on m'avait annoncé que j'avais gagné, ma foi. Maintenant, on m'annonce que je perds, alors évidemment, je suis très déçu, mais j'ai fait tout mon possible. Raymond Poulidor est en train de vivre un moment difficile en ce moment. Il a fait tout son possible, mais Jacques Anquetil, sur la fin, vous a pris 21 secondes. Vous étiez revenu à égalité à 6 km de l'arrivée. Ah oui. Mais évidemment, le parcours sur la fin, puis j'avais parti très vite, j'avais fait le maximum, alors j'ai faibli sur la fin. Jacques a été le plus fort, ma foi, il a gagné. Merci Raymond. Actualité encore, et toujours l'été 1964, où l'on va commencer par retrouver l'Algérie, si présente dans les années 60, 61 et 62, et ce, via la disparition d'un ministère. Au micro, Jean-Armand Ladidi. Il y avait donc Conseil des ministres ce matin à l'Élysée. Ce conseil est terminé depuis environ 40 minutes, mais on n'a pas encore les explications, les commentaires habituels de M. Perfit. Sur place, au ministère de l'Intérieur, nous avons nos amis Michel Pertexier et Jean-Claude Héberlé. Ils nous appelleront dès qu'ils seront en mesure de le faire. Ce que nous croyons savoir, c'est qu'à ce conseil, vraisemblablement, le général de Gaulle devait commenter la conversation qu'il a eue hier avec le secrétaire général de l'ONU, M. Tante. Le chef de l'État a dû aussi révéler au ministre les grands thèmes qu'il développera demain après-midi dans sa conférence de presse. À ce conseil également, des décisions prévues. D'abord, qui nous concerne nous, RTF, Autrement dit, mise en place du nouvel office de la radiodiffusion télévision française avec la nomination du nouveau directeur général, des deux directeurs adjoints et des 16 membres qui constitueront le conseil d'administration. Ensuite, M. Pompidou devait faire un exposé sur la disparition du ministère des rapatriés dont les services seront désormais rattachés à l'intérieur. Disparition de ce ministère, pourquoi ? Parce que 2 ans après l'indépendance de l'Algérie, 1 million de pieds noirs ont été rapatriés en France. Se sont-ils adaptés ? Ont-ils été bien accueillis ? Eh bien, je vous invite à écouter le ministre, M. Missoff. On peut dire qu'au début, l'accueil était peut-être réservé il y a 2 ans. Mais ça vient simplement, ou ça venait simplement d'une chose, c'est que les rapatriés connaissaient mal les métropolitains et les métropolitains connaissaient mal les rapatriés. Mais, et puis aussi, ça vient, vous savez, du fait que vous soyez rapatrié ou pas, quand vous avez connu, ou si vous connaissez un jour un grand malheur, ce qui apparaît dans votre personnalité, c'est beaucoup le côté négatif de votre personnalité, c'est-à-dire la rancœur, la rage, etc. Alors que ça peut très bien ne pas être votre vrai caractère. Et pour les rapatriés, ce qui vraiment est à leur honneur, c'est que très vite, ils ont relégué, si vous voulez, le côté négatif de leur personnalité, et qu'au contraire, ils ont fait apparaître tout le côté positif, c'est-à-dire le courage, la volonté de travail, l'esprit d'entreprise, bref, toutes ces qualités qu'ils ont et que moi j'ai appris à connaître en envoyant des milliers et des milliers d'entre eux, puisque j'ai passé mes après-midi à en voir inlassablement, et toujours avec beaucoup de profit pour moi sur le plan humain. Ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est qu'au bout de 2 ans de contact permanent avec eux, eh bien, le jour où ce ministère sera fermé, eh bien, je peux vous dire que c'est, mes collaborateurs vous en diraient autant que moi, que ce que nous aurons fait là pendant 2 ans, c'est quelque chose qui, dans notre vie à tous, restera tout de même une tranche à part et quelque chose vraiment qui, pour nous, sera un souvenir qu'on ne pourra pas oublier. Vous savez que l'on reparle de Jean-Jacques Casanova, le ravisseur de Madame Dassault, lequel d'ailleurs a disparu et que l'on croyait en Espagne. Or, avant-hier, une bijouterie de l'avenue Victor Hugo, la bijouterie Cole, était cambriolée pour la 4e ou 5e fois et le bruit courait à Pigalle et à Montmartre que l'auteur de ce hold-up était Jean-Jacques Casanova. Eh bien, la police n'y croit guère. Il semble en effet invraisemblable que ce bandit, qui est remarquablement astucieux, ait pris le risque de revenir à Paris, et cela pour s'emparer de bijoux difficilement négociables, surtout pour un homme traqué. D'ailleurs, on a montré la photo de Casanova aux bijoutiers, aux employés de la bijouterie. Ils ont été formels. Casanova est petit et trapu. Les bandits étaient grands et minces. Mais alors, d'où venaient ces rumeurs ? Eh bien, tout simplement parce que Jean-Jacques Casanova est très probablement l'auteur d'un des hold-up, le deuxième, le plus grave, commis contre la bijouterie Cole. C'était en septembre 62. 200 millions de bijoux avaient été enlevés et il y avait eu un blessé, un employé qui avait été grièvement blessé à coup de pistolet. Sul viso ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto. Che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi mai. Trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che France Culture en partenariat avec l'INA, les années 60, 1964. Bref, rendez-vous avec l'actualité éditoriale d'un couple littéraire, qui était déjà couple et couple littéraire dans les années 40 et 50. Nous sommes en début d'année 1964, elle et lui, les deux grands écrivains existentialistes, comme disait la presse, publient, ce qui est normal pour un couple littéraire. La Tribune des critiques en rend compte. La Tribune des critiques, magazine littéraire, artistique et dramatique. Avec Luc Estan, Roger Grenier, Pierre-Henri Simon, Henri Créa, Yvon Taillandier, Jacqueline Harpet, Pierre Barbier présente la Tribune des critiques. Aujourd'hui, un couple littéraire et les arts baroques. Réalisation Pierre Barbier. Tout d'abord, voici notre Tribune des critiques littéraires, avec Roger Grenier, Luc Estan et Pierre-Henri Simon. Deux livres très importants viennent de paraître. Tout d'abord, « La force des choses » de Simone de Beauvoir et « Les mots » de Jean-Paul Sartre. On a peut-être déjà signalé ces deux livres à d'autres magazines, mais l'intérêt de l'un et de l'autre est tel que, mon Dieu, on peut non seulement les signaler une fois de plus à ce micro, mais surtout les mettre en parallèle. Ces deux livres ont plusieurs choses communes. Entre eux, naturellement, ils ont aussi des choses bien différentes. Pour entrer dans le débat qui aura lieu entre Pierre-Henri Simon, Roger Grenier et Luc Estan, je voudrais tout d'abord que Pierre-Henri Simon fixe un peu les idées à propos de ces deux ouvrages. Je voudrais dire tout de suite qu'ils sont très différents. La force des choses de Simone de Beauvoir est un très gros livre qui fait plus de 600 pages à 2500 caractères. C'est le troisième volume des Mémoires de l'écrivain. Les deux premiers, les Mémoires d'une jeune fille rangée et La force de l'âge, ayant déjà largement alerté la critique et le public. Je dis bien, ce sont des mémoires. Simone de Beauvoir, dans La force des choses, raconte sa vie. Et l'on pourrait dire la vie du couple Simone-Jean-Paul durant les années 1944-1962 environ. Ce sont des mémoires, c'est-à-dire que Simone de Beauvoir prétend tout dire. On ne dit jamais tout, bien sûr, mais enfin, elle suit chronologiquement sa biographie, l'histoire des événements auxquels elle a été mêlée. Elle se défend même dans les premières pages de son livre, d'une manière peut-être assez critiquable d'ailleurs, de faire de la littérature, c'est-à-dire qu'elle annonce que son livre est un simple procès-verbal de sa vie, d'où les préoccupations proprement littéraires, proprement esthétiques sont absentes. Le livre de Sartre, au contraire, Les mots, est un livre court, 200 petites pages, avec une visée fort différente. Sartre y raconte les années de son enfance entre la 5e et la 12e année, et il ne prétend pas donner des mémoires complets. C'est plutôt une sorte d'étude phénoménologique, du moins de Sartre dans ses origines. Je ne crois pas me tromper en disant que l'intérêt de cet ouvrage est de nous donner une vue analytique et explicative du moi de Sartre expliqué par les premières expériences de sa vie. C'est bien ainsi que vous le voyez, n'est-ce pas, Luc Estan? Ah oui, oui. Ce qui est très frappant, c'est que, d'une certaine manière, on peut dire que le livre de Simone de Beauvoir reste d'une démarche existentielle, bien qu'il y ait retour vers le passé. C'est quand même, dans ce passé, un mouvement, puisque, par définition, les mémoires veulent suivre les événements. Alors que la fixité, j'ai été frappé du mot que vous avez employé, Pierre-Henri Simon, la fixité est beaucoup plus marquée dans le cas de Jean-Paul Sartre, qui s'embarrasse pas du tout de mémoire, s'embarrasse très peu d'anecdotes, mais opère vis-à-vis de lui-même cette opération qu'il a déjà pratiquée sur des écrivains comme Baudelaire ou comme Jules Renard. Ou Jean Genet. Jean Genet. Une phénoménologie avec ce qu'il avait appelé dans L'être et le néant une psychanalyse existentielle. Et alors là, obligatoirement, il se fixe. C'est l'enfant qu'il fut, mais vu par le regard de l'homme qu'est Jean-Paul Sartre. On n'est pas du tout, je crois, véritablement dans une conscience d'enfant qu'il ait été ou n'ait pas été un enfant, comme il le dit, on pourrait en parler. Mais ce qui est très frappant, c'est que justement, il s'immobilise, il se fixe comme un papillon. Ça a des inconvénients. Ça a des inconvénients, à mon avis, parce que, enfin, pour mon compte, c'est la première fois où je peux me retrouver chez quelqu'un qui s'appelle Sartre. Jusqu'à présent, je croyais que c'était un de ces hommes avec lequel vous pouvez vraiment avoir aucun point commun. Si, je vois très bien tout ce que je peux avoir de commun à cause de l'enfant qu'il fut. Où je bronche, c'est quand il fait, après coup, une prise de lucidité si vive, comme si, quand il parle de l'imposture enfantine, tout le monde sait qu'il y a une imposture enfantine, tout le monde sait que l'enfant est comédien. Je vais même employer un mot plus violent, puisque ça fait partie du vocabulaire de nos auteurs. L'enfant est putain, mais je ne crois pas qu'il le soit d'une manière aussi délibérée que Jean-Paul Sartre le voit après coup. Et alors, et surtout, ça ce serait mon principal reproche, je suis agacé quand à chaque tournant de page, de paragraphe, il veut faire le procès de la bourgeoisie. Ça m'est bien égal, mais je dis que c'est faux que le petit Jean-Paul était tel qu'il fut, parce que dans la situation qu'il décrit, ça n'est pas vrai, je peux me porter garant qu'on peut éprouver tout ce qu'il a éprouvé, faire le même jeu, les mêmes tricheries, les mêmes impostures, dans une toute autre situation que la sienne. Mais je ne crois pas que ce soit un procès vraiment de la bourgeoisie, c'est un portrait plutôt. Et il n'y a rien de désobligeant dans tout ce que Sartre dit de son grand-père Karl, qui est le bourgeois parfait, l'homme de livre, l'universitaire. Vous ne croyez pas, Pierre-Henri Simon? Non, je voudrais mettre la chose un peu au point. Moi, ce qui m'a frappé dans cette psychanalyse de Sartre, ou si vous voulez, dans cette explication de Sartre par Jean-Paul, ou même, pour être encore plus précis, par Poulou, puisque Poulou était son nom d'enfant, ce qui m'a frappé, c'est à quel point cet enfant a baigné dans un milieu bourgeois. Et durant ses années d'enfance, jusqu'à sa 12e année, enfant qui se présente comme ayant été très précoce, puisque à 7 ans, il semble qu'il avait tout lu, ou tout au moins beaucoup plus lu que ne l'avait généralement un enfant de cet âge, il commençait déjà à écrire un roman, ou des romans. Ce qui me frappe, c'est que cet enfant de 7 ans a commencé par absorber cet idéalisme bourgeois. Et c'est là d'ailleurs que Sartre, arrivé à la maturité, reconnaît, en souffrant d'ailleurs, cette imposture de son enfance. Et là, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous, Luc Estan. Je ne pense pas que l'enfant ait été aussi conscient de son imposture que Sartre le fait. Mais cette imposture existait, se retournant vers son passé, Sartre la trouve. Il y a le fait, n'est-ce pas ? Bien sûr, qui est le fait de situation de Sartre lui-même. Et quand il dit quelque part, l'enfant est conformiste, c'est rigoureusement vrai, n'en déplaise à tous nos fabricants de révolte après coup. Tout à fait d'accord. L'enfant est conformiste. Qu'il y ait eu chez Jean-Paul Sartre le conformisme à l'égard d'une situation donnée qui était sa situation familiale, c'est évident. Mais, je vous en prie, Roger Grenier, lisez bien, de temps en temps, n'est pas, il dit, et voilà ce que la bourgeoisie fait d'un enfant. Oui. Même pour tout, mais pour son comportement religieux, car il y a eu un comportement religieux, pour ses petites tricheries, pour tout ce qu'il y avait, les rapports du grand-père et de la grand-mère, ça n'a rien à voir, il y avait sa complexion. Que cette complexion ait été teintée par une situation, oui, mais ce qui est le fond de Jean-Paul Sartre, et nous allons arriver, enfin, cette espèce de projection de lui-même qu'il a fait, de surmoi, c'est-à-dire Dieu étant mort précocement pour lui, comme il l'explique, Dieu c'est devenu la littérature, il a dit qu'il serait un grand écrivain, et une certaine catégorie de grands écrivains, c'est là que ça recoupe Simone de Beauvoir, car dès le début, Simone de Beauvoir, avant que les mots paraissent, nous a déjà fait ce portrait. Le succès, enfin la notoriété de Sartre étant à ses yeux à lui, Sartre, une mort précoce, car il s'était vu un écrivain, mais du type écrivain presque maudit, écrivain à petite audience et prenant sa revanche avec la postérité. C'est-à-dire, il avait encore besoin à ce moment-là, c'était son idéalisme dont il a été si long à se remettre, nous dit-il, il faisait un transfert sur une éternité qui s'appelle la postérité pour un écrivain. Et comme il a eu son ciel, disons, ici-bas, il se sent, lui, dans certains points de vue, oui, il se sent floué, absolument, comme Simone de Beauvoir, elle aussi se sent flouée comme femme. Quelques mois plus tard, le 22 octobre 1964 précisément, la radio française et la presse du monde entier s'intéressent de nouveau à Sartre. Au micro, Jean Lacour. Il était 14 heures environ, un homme d'une soixantaine d'années, complet bleu, déjeunait dans un petit restaurant du 14e arrondissement à Paris en compagnie d'une femme vêtue d'un cardigan vert sur lequel se détachait un collier de métal. Elle, Madame Simone de Beauvoir, lui, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre venait d'apprendre que le prix Nobel de littérature lui était décerné. « Je refuse le prix », dit-il simplement. Il termina son petit salé et alluma une cigarette en attendant le fromage. J'aimerais pour ma part vous présenter un certain nombre de documents que l'ORTF possède dans ses archives sur Jean-Paul Sartre. Car l'enregistrement de la voix de Jean-Paul Sartre, pour ancien qu'il soit, garde une valeur tout à fait exceptionnelle. On a chargé Jean-Paul Sartre à certaines époques de tous les méfaits, notamment d'avoir corrompu par son œuvre la jeunesse française. Eh bien, je vous laisse écouter Jean-Paul Sartre, il va vous dire ce qu'il pense de ce jugement. Il est absolument impossible à des livres de corrompre la jeunesse. Quand la jeunesse est corrompue, c'est parce que la situation sociale est telle qu'il peut y avoir des tentations pour la jeunesse et par conséquent qu'elle est malheureuse. Mais pas plus Fantômas qu'André Gide ou que mes livres ou ceux d'autres ne peuvent jamais avoir ce genre d'influence. Les gens qui disent ça, ce sont des gens qui ne savent même pas ce que c'est que l'influence d'un écrivain sur un jeune homme ou sur un homme. Et pourtant, c'est le même homme qui, un peu plus tard, affirme qu'il n'y a pas de littérature innocente. Écoutez-le maintenant parler de la responsabilité de l'écrivain et de l'influence de nos moyens modernes d'expression. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment, il faut dire, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment. Et il y a une responsabilité de l'écrivain dans le fait qu'il a maintenu trop longtemps, plus qu'il ne pouvait, la position de l'art pour l'art. La littérature, aujourd'hui, est liée à la démocratie. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène curieux. C'est que des écrivains qui ne méritent pas encore, ou qui ne mériteront peut-être jamais, leur réputation, les écrivains dont je suis et dont sont beaucoup d'autres de ma génération, ont déjà un public plus grand que des écrivains du premier ordre n'ont jamais eu, au 19e siècle par exemple. On rougit d'être traduit à l'étranger quand on pense au petit cercle qui connaissait Baudelaire de son vivant. Mais c'est un phénomène qui ne signifie rien d'autre que ceci. Il y a des journaux, il y a une radio, il y a du cinéma, mais qui en même temps, en élargissant le public, met l'écrivain dans un état de responsabilité beaucoup plus grand. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. It's done. smiles, but she doesn't see. Et Monsieur K, Monsieur K, le limogeage de Monsieur K. Deux possibilités pour rendre compte d'une actualité, son annonce brute ou son commentaire éclairé. On choisit la seconde possibilité, l'occasion de redécouvrir un métier aujourd'hui disparu ou presque, kremlinologue. Au cours d'une interview de Radio Lausanne, André Fontaine, rédacteur en chef diplomatique du Monde, a fait l'analyse de la situation créée par l'éviction de Khrouchtchev. Compte tenu de l'évolution quotidienne de l'inconnu soviétique, il répond ce soir aux questions de Claude Néret. Enfin, sait-on maintenant les raisons pour lesquelles le président Khrouchtchev a été renversé? On ne sait toujours pas très bien. Et dans la mesure où l'on espérait que les discours qu'ont prononcés les nouveaux dirigeants soviétiques, le nouveau tandem BEK, Brejnev et Kosygin, lundi sur la plage rouge et au Kremlin, à l'occasion des manifestations en l'honneur des cosmonautes, donnerait quelques indications sur ces raisons, on a été déçus. Ils s'en sont tenus à ce qu'on peut appeler de prudentes généralités, et on a vu qu'ils cherchaient surtout à rassurer les uns et les autres. Je crois que l'idée qu'on pouvait avoir dès la première minute, à savoir que les nouveaux dirigeants, pendant toute une période d'expectative, chercheraient à se raccommoder autant que faire se peut avec leurs adversaires sans se brouiller avec leurs amis ou avec les puissances occidentales étaient en bonne relation, je crois que c'est ce point de vue-là qui les anime surtout. Mais alors pourquoi est-ce que M. K a été renversé? Nous avons simplement jusqu'à présent un seul texte qui permette de se faire une idée. Ce texte, c'est l'éditorial La Pravda de samedi dernier qui le critique assez nettement sans le nommer. Dans cet éditorial, la Pravda l'accuse en somme, encore une fois sans le nommer, d'avoir, après avoir démoli le culte de la personnalité de Staline, voulu bâtir un culte de sa propre personnalité. Autrement dit, un gouvernement trop personnel. C'est ça. Elle fait d'ailleurs des reproches absolument faux, comme celui de gouverner de son fauteuil. C'était vrai de Staline qui était tapis dans sa tanière du Kremlin, alors que Khrouchtchev, lui, ne cessait de se promener, il allait dans les usines, il allait aux champs. Jamais on n'avait vu un chef de gouvernement soviétique se donner autant de peine pour convaincre les gens de travailler, car au fond c'est le problème essentiel de l'Union soviétique, c'est que les gens travaillent, alors qu'ils n'ont pas tout à fait les stimulants que les travailleurs ont dans les régimes capitalistes. Par son gouvernement personnel, vous dites que M. Khrouchtchev avait acquis un certain nombre d'inimitiés. Son renversement était donc une chose prévue depuis un certain temps. Peut-être, mais enfin tout de même il ne s'en doutait pas. Or, il avait une police qui aurait pu le renseigner. Ce qui est sûr, c'est que Khrouchtchev, dans le passé, a déjà eu à faire face à une série de complots vrais ou supposés. Il y en a moins qui était vrai, c'était celui de 1957 et du groupe anti-parti. Mais une chose est très frappante, c'est que parmi les gens éliminés et qui sont toujours en vie, aucun n'est revenu ces jours-ci sur le devant de la scène. C'est une affaire qui s'est réglée, si vous voulez, entre Khrouchtcheviens, entre gens dont Khrouchtchev avait fait, pour la plupart, toute la carrière. Alors, on commence à dire qu'une certaine agitation a commencé de se manifester au mois de février à l'occasion de la réunion du comité central à propos de l'agriculture. C'est bien probable, en effet, il semble que même Khrouchtchev, à ce moment-là, ait lui-même agité la menace de sa démission. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Il est certain qu'un certain nombre d'événements ont pu contribuer à la chute de Khrouchtchev. D'abord, ses échecs, tout le monde en a parlé, mais ils devenaient de plus en plus évidents. Ensuite, ses méthodes, qui certainement le rendaient tout à fait désagréable aux communistes traditionnels qui détestent l'improvisation, la faconde, ce qu'ils appellent le culte de la personnalité et qui contribuent à faire de Khrouchtchev un personnage hors série. Il voudrait être aussi remplaçable, interchangeable que possible. Et puis alors, il y a eu cette affaire de la convocation de la conférence des partis communistes. Indiscutablement, l'Union soviétique était à cet égard dans l'impasse la plus complète, puisque sur 26 puissances appelées à participer à la conférence, 12 seulement avaient donné un avis favorable. Et encore parmi les 12, il y avait des petits partis communistes des pays anglo-saxons d'une importance tout à fait secondaire. Alors que des grands partis, comme le parti polonais, pour ne pas parler du parti italien et du parti tchèque, n'avaient pas donné de réponse. Alors il y a cette impasse là. Et bien, j'ai tendance à croire aussi que l'affaire allemande a dû jouer son rôle. Vous savez que Khrouchtchev avait accepté de se rendre en République fédérale au début de l'année prochaine. C'était un événement tout à fait sans précédent et dont on sait maintenant qu'il avait provoqué certaines inquiétudes dans les démocraties populaires. Et il est possible qu'à Moscou, on ait tiré parti de cette initiative dont on ne savait pas où elle pouvait conduire avec un personnage comme Khrouchtchev, à l'imagination toujours fertile, pour donner le coup d'arrêt. On ne peut pas jurer que ce soit ça, mais ça a pu jouer son rôle. Il est assez frappant de constater qu'il y a 3 semaines à peu près, un agent allemand a été piqué à l'Ipérite dans la cathédrale de Zagorsk, qu'à la suite de ça, Bonn a fait dire immédiatement que cet attentat serait probablement l'œuvre d'adversaires de la détente. Et de leur côté, les Russes ont présenté des excuses extrêmement plates, qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire. Il est très possible qu'à Moscou, des gens aient jugé que vraiment la goutte d'eau était là, qui faisait déborder le vase. En tous les cas, les partis communistes nationaux, permettez-moi cette expression, s'interrogent. C'est le moins qu'on puisse dire. À part les communistes finlandais, qui ont envoyé tout de suite des félicitations, à part les Roumains, qui s'étaient opposés à Khrouchtchev et qui sont bien contents de son départ, à part, bien entendu, les partis d'Asie, qui d'ailleurs se gardent bien de prendre position, car au fond, ils ne savent pas très bien ce qui s'est passé. Nous constatons que les partis communistes d'Europe, aussi bien de ce côté-ci que de l'autre, du rideau de fer, dans l'ensemble, manifestent, sans cacher, leur étonnement. Ils le font sous des formes diverses qui correspondent à leur tempérament divers. Je crois qu'une des ambitions de la nouvelle équipe du Kremlin est de remettre de l'ordre, de rétablir la discipline dans le mouvement ouvrier, d'empêcher que ces discordes soient plus longtemps connues à l'extérieur, mais à mon humble avis, ils auront beaucoup, beaucoup de peine à y parvenir. Pensez-vous que M. Brejnev et M. Kosygin aient réussi à rassurer les démocraties occidentales sur leur politique ? Immédiatement après le coup d'État, on peut parler de coup d'État du Kremlin, les ambassadeurs soviétiques se sont précipités dans toutes les capitales occidentales et dans celles du tiers-monde pour dire « rien ne changé ». Rien ne changé, évidemment, c'est ce qu'on dit toujours en pareil cas. Et il y a une première chose qui est changée, c'est que Kosygin n'ira pas à Bonn, du moins dans un délai prévisible. Est-ce que cela veut dire que l'Union soviétique va adopter une attitude agressive dans tous les domaines ? C'est assez peu probable, parce que la direction collective qui est rétablie et sur laquelle on insiste énormément actuellement à Moscou est toujours le signe d'une période d'incertitude, de conservatisme et d'immobilisme. Chacun surveille l'autre et de ce fait, personne ne fait rien. Il est donc assez improbable que l'Union soviétique prenne maintenant des initiatives en politique étrangère, même si le ton de sa presse peut se raidir un peu pour bien montrer qu'on n'a pas de connivence avec les capitalistes occidentaux. Et je crois aussi, d'autre part, que le rapport des forces militaires et l'état de l'économie soviétique, comme l'état du bloc soviétique, ou ce qu'on appelle encore le bloc soviétique, interdisent à l'Union soviétique d'adopter maintenant une politique étrangère véritablement agressive. C'est pourquoi, après quelques jours de réflexion, on peut dire que dans les capitales occidentales, dans l'ensemble, on n'est pas trop inquiet. Vous venez d'entendre une interview d'André Fontaine sur les hypothèses du Kremlin. Et Podgorny, on n'en parle pas, il existait Podgorny pourtant en ce 24 octobre 1964. Bien, l'année 1964 se termine, la radio doit penser aux fêtes à venir, aux excellentes blagues à raconter à ses amis, et la même radio doit rendre compte des sorties cinéma, elle doit instruire les maîtresses de maison, leur conseiller les gadgets les plus essentiels. Ça tombe bien, l'émission qui suit, et dont voici un extrait, c'est Rendez-vous à 5h pour vous madame et pour vous mademoiselle. Les femmes sont sensibles à l'humour, les femmes aiment qui les fait sourire. C'est vous-même qui avez souligné ces heureuses dispositions propres au tempérament féminin lors d'une tribune à laquelle vous avez participé avant les vacances. Partant de ces déclarations, Philippe Bouvard, humoriste, écrivain, soiriste, dont le nom s'inscrit sur une page fort bien faite d'un grand quotidien, Philippe Bouvard retient pour vous chaque semaine des scènes, des chansons, un bon mot qui l'ont fait rire. Il vous rapporte le tout et voici ce que ça donne. Cette semaine, mon premier sujet d'hilarité, ça a été un livre. Oh, un livre, c'est peut-être un grand mot pour une petite chose, parce que, en fait, je suis sûr qu'il n'y a pas plus de 200 lignes de texte. Mais ces 200 lignes aboutissent finalement à une espèce de condensé de snobissimo. Et sous forme de notation prise quotidiennement, jour après jour par un homme très important, vous allez voir, on aboutit à une espèce de satire complète du snobisme. Mais entrons plutôt dans le détail, voulez-vous ? Mardi 5 janvier, remplacer plongeoir dans salle de bain. Vendredi 8 janvier, dire chauffeur, continuez chercher Jaguar, elle est sûrement quelque part dans le garage. Lundi 8 février, Colombet bien chauffé, vérifiez avant d'accepter week-end. Mardi 19 janvier, joindre ministre PTT, téléphone des enfants en dérangement. Vendredi 11 juin, joindre Liffard, impossible aller à l'opéra, les ballets peuvent-ils venir à la maison ? Mardi 21 septembre, sardine très bon marché Quimper, envoyer Boeing avec cuisinière. Enfin, mercredi 29 septembre, note au domestique, encore un Rembrandt disparu, ce pillage doit cesser. Eh bien, vous voyez, une année bien remplie. Si on veut qu'elle soit un peu mieux remplie, on peut par exemple aller voir Patate. Mais enfin, il faut avoir des loisirs qu'un homme important n'a pas toujours. Parce que Patate, vous savez, c'est l'adaptation d'une pièce qui fut jouée pendant plus de 6 ans au Théâtre Saint-Georges à Paris. Et on n'est pas sûr, après la transcription cinématographique par Robert Thomas, qu'un académicien puisse reconnaître ses petits. Voici une des scènes quand même les plus fidèles à l'œuvre originale. Mademoiselle Sylvie Vartan est ici une jeune fille pas très sage. Sa maman vient de découvrir dans sa chambre de jeune fille des lettres compromettantes, celles de son amant, et une sonore paire de claques s'ensuit avant que le papa arrive. Petite garce ! Maman ! Tu as un amant ? Bah oui. Et comment as-tu fait pour ? Bah, comme tout le monde. Oh. Qui est cet homme ? Tu le connais pas. Et c'est une Maxime ? Maxime comment ? Mais il s'appelle pas Maxime, c'est un nom convenu entre nous. Pourquoi inventer un faux prénom ? Oh, je sais pas, pour rire. C'est un homme marié. Comment le sais-tu ? Dans ses lettres, il parle de sa femme. Bah oui. Mais tu ne pourras jamais être heureuse avec un homme marié. Heureuse, les grands mots. Nous, les jeunes, on n'a pas d'avenir, alors. Oh, tais-toi. Et ton père ? Qu'est-ce qu'on va dire à ton père ? Oh, bah, faut pas lui dire. Oui, mais moi, je ne pourrais pas lui mentir. Mais pourquoi ? Parce que je l'aime. Oh, quelle génération. Oh, je déteste cet homme et les horreurs qu'il ose t'écrire. Remonte les lettres, maman. J'aime te parcourir comme un terrain de golf. Il me trouve sexy. Nos rendez-vous du soir sont pour moi comme des bénédictions du ciel. Et lorsque je t'embrasse, ma chérie... Ça, c'est de l'amour, hein? Tes lèvres roses, tes grands yeux, ton petit nez. Eh bien, ça, c'est gentil. Il n'a rien à dire. Je compte chaque seconde qui me sépare de toi, mon amour. Maintenant, nous ouvrons le dossier gadget, car n'ayant pas trouvé mieux, je continue à désigner sous ce vocable anglo-saxon les petits objets que les inventeurs pleins de génie lancent dans le commerce à seule fin d'alléger votre travail de maîtresse de maison. Après le hachoir à oignon, le saladier magique, voici, au sens propre du mot bien sûr, le panier à salade à double fond que nous propose Madame Morin, 15 bis rue Moncey à Paris. Pour en connaître tous les mérites, écoutons Nicole Brice. Madame Morin nous conseille aujourd'hui deux gadgets. Le premier, le salade essor. Le salade essor, qu'est-ce exactement, monsieur ? Eh bien, madame, le salade essor est un sac en plastique dans lequel vous mettez directement votre salade. C'est un sac que vous fermez et avec un mouvement de rotation, votre salade est essorée uniquement par ce mouvement-là. Oui, c'est un sac en plastique à double fond. À double fond, oui, à double fond. Et voyez-vous, sur la première pochette, vous avez des trous. Oui, la pochette dans laquelle, bien sûr, on met la salade. C'est ça. Oui. et l'eau s'écoule par les trous. Oui, et que vous récupérez dans le second sac. Oui, et là, il suffit de vider le deuxième sac. Voilà, c'est tout. Ça ne coûte pas cher. Non, 2 francs public. Et ils sont maintenus par un cordonnet que l'on tire pour faire bien fermer le sac. Voilà, exactement. Il a du succès ? Beaucoup. Oui. Bon, et bien alors, ce deuxième gadget que nous propose Madame Morin, c'est le Corsica. Bien, le Corsica se présente ainsi, le lave-légumes idéal, son prix 4,90 €. Comment se présente-t-il ? Eh bien, c'est un article en matière plastique, une cuvette ronde avec 2 anses sur lesquelles, dans le haut, il y a des perforations, ce qui évite le légume de déborder à l'intérieur de l'évier. En fait, c'est une bordure aérée. Aérée, c'est ça. Par, à travers laquelle s'écoule l'eau sans entraîner les légumes. Un grand avantage, évidemment, c'est que les légumes ne débordent pas de la cuve. Les légumes ne débordent pas et de ce fait, la terre reste dans le fond de votre cuvette aussi, ce qui évite de boucher l'évier. Oui. Son prix, nous l'avons dit, 4,90 €. C'est ça. La cuvette que nous vous présentons, je suppose qu'il y a un seul modèle, une seule taille de cuvette. Il n'y a qu'une seule taille de cuvette, mais plusieurs coloris. Vous avez du vert, du jaune et de l'orange. Et de l'orange. Sa taille, eh bien, elle peut contenir facilement 1 kg d'épinards. Hein. Aujourd'hui, vous avez présenté vous les épinards. Le diamètre, 29 cm de diamètre. Et la profondeur est de 14. Bon, eh bien, merci Madame Morin pour ce salade essor et ce Corsica. Je vous remercie également, monsieur. Je vous en prie. Le jeu continue et pour l'heure, la gagnante, Madame Morin, recevra le briquet de sac de grande marque promis. Je sens d'ailleurs que vous n'avez pas tardé à acheter ce panier si pratique. Le 15 décembre 1964, les cendres de Jean Moulin sont transférées au Panthéon. Extrait du très célèbre discours d'André Malraux. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes nains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellé de tortures. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés. Grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps. Et quand la trouée des alliés commence, regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les commissaires de la République, sauf lorsqu'on les a tués. Tu as envié comme nous les clochards épiques de Leclerc. Regarde, combattants, tes clochards sortir à quatre pattes de leur maquis de chêne et arrêter avec leurs mains paysannes formées au bazooka l'une des premières divisions cuirassées de l'Empire hitlérien, la division d'Assrache. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodié dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlés aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. C'était les années 60, en partenariat avec l'Institut National de l'Audiovisuel. Aujourd'hui, 1964, deuxième émission. Documentation INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage, Olivier Dupré. Réalisation, Annie Douel. Une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là, à télécharger, ainsi que les précédentes émissions, sur le site franceculture.fr, rubrique de l'émission.